sonnets d'automne. Ils me disent tes yeux, clairs comme le cristal. Pour toi, bizarre amant, quel est donc mon mérite? Sois charmante et tais-toi. Mon cœur, que tout irrite excepté la candeur de l'antique animal, ne veut pas te montrer son secret infernal, berceuse dont la main au long sommeil m'invite. Née sa noire légende avec la flamme écrite, je hais la passion et l'esprit me fait mal. Aimons-nous doucement. L'amour dans sa guérite, ténébreux, embusqué, bande son arc fatal. Je connais les engins de son vieil arsenal, crime, horreur et folie. Ô pâle Marguerite, comme moi, n'es-tu pas un soleil automnal? Ô ma si blanche, ô ma si froide Marguerite.